Dans un tunnel, des précautions particulières sont à prendre. L'intervalle de sécurité a pour fonction de prévenir le risque de collision, de limiter le nombre de véhicules présents dans le tunnel et de garantir une certaine distance de sécurité, même lorsque les véhicules doivent s'arrêter pour cause d'accident, par exemple. Un feu se propage moins vite si les véhicules sont éloignés les uns des autres. L'intervalle de sécurité peut être matérialisé par des chevrons, des bandes blanches à l'identique des bandes d'arrêt d'urgence ou par un système de diodes bleues. Dans ce tunnel, l'intervalle de sécurité est de 150 mètres minimum entre les véhicules. Réponse A et C.